Vous écoutez France Culture. Les vivants et les dieux, symboles et religions, par Michel Cazenave. Aujourd'hui, la ballade de la geôle de Reading. La ballade de la geôle de Reading, à laquelle nous allons nous intéresser aujourd'hui, est sans aucun doute l'un des textes les plus accomplis, en même temps que l'un des textes les plus profonds de Oscar Wilde. Il faut savoir que ce texte, il l'a écrit à propos de son séjour en prison, à laquelle il avait été condamné suite au procès que lui avait intenté Lord Queensberry pour homosexualité. Et dans cette ballade, il réfléchit à la fois sur la mort de l'un de ses co-détenus, ce qui lui permet d'ailleurs d'avoir toute une réflexion sur le rapport entre la mort et l'amour, entre Eros et Thanatos, puisque ce détenu avait tué sa femme par amour, d'une certaine manière, en même temps que la ballade, à travers une description extrêmement réaliste, extrêmement naturaliste de ce qu'était la prison de la fin du XIXe siècle en Angleterre, ouvre à une sorte de rédemption religieuse qui, évidemment, peut étonner de la part de Oscar Wilde lorsqu'on connaît son œuvre antérieure. Il faut savoir qu'en réalité, Oscar Wilde a toujours été poursuivi précisément par ce rapport, ce juste rapport qu'il a essayé de trouver toute sa vie avec l'amour. Et on connaît la réflexion qu'il a à propos de Lord Alfred Douglas, celui à cause de qui il est allé en prison, dont il déclarait, après être sorti de la prison de Reading, « Il a ruiné ma vie et c'est pourquoi je semble contraint de l'aimer davantage ». D'une certaine manière, on voit très bien qu'il y a là comme une sorte de destin qui est celui de l'amour, d'autant plus que lorsqu'il sort de la prison, précisément, Oscar Wilde rejoint Lord Douglas, alors même que sa femme Constance est venue le retrouver. Sa femme Constance, dont on peut se demander quel est le rapport éventuellement avec cette pièce de théâtre qui avait été l'un de ses grands succès, de l'importance ou de l'avantage d'être constant. Là, d'une certaine manière, Oscar Wilde met là en œuvre, et il le fait évidemment aussi à propos de ce condamné sur lequel il réfléchit, la phrase qui avait été la sienne, « Tout amour est monstrueux, tout amour est une tragédie ». Et ça renvoie évidemment à une autre de ses phrases, « L'âme est une terrible réalité ». Et d'une certaine façon, on voit comme il y a une méditation sur qu'est-ce que l'âme, qu'est-ce que le pouvoir de l'âme, au-delà même des conditions matérielles qu'il décrit dans l'horreur qui sont absolument les leurs, et comment va faire apparition cette figure du Christ, de ce Christ sauveur, dont il a d'une certaine manière la révélation. On sait que Wilde avait écrit qu'un homme peut être heureux avec n'importe quelle femme, du moment qu'il ne l'aime pas, et là précisément c'est cette insistance de l'amour à travers la vie qui au contraire va donner toute sa note à sa réflexion, et comment d'une certaine manière il est obligé de revenir à cette obligation que l'on a, cette obligation interne, si l'on peut dire, de tuer la personne que l'on aime, précisément parce qu'on est dans cette très terrible réalité de l'âme, précisément parce qu'on est dans cette tragédie, et comment, d'une certaine manière, il est obligé de revenir aussi à la réalité de ce corps qu'il réhabite dans la prison, même dans les conditions les plus terribles qu'il soit, dans la mesure où il le remarque. Les effets de la prison sont la destruction de l'âme à travers à la fois la faim, la maladie, l'insomnie, ce que l'on retrouve dans l'un de ses articles de mars 1998. Et où, à travers le réalisme, qui est celui de la ballade de la geôle de Reading, et la force politique qui s'y donne, une sorte de position qui, d'une certaine manière, fait éclater la vérité des choses telles que généralement on ne veut pas les voir, et ce qui donne à Wilde, d'une manière tout à fait imprévue, si l'on peut dire, la seule position peut-être révolutionnaire de son temps, et qui rejoint ce qui serait la révolution même que le Christ avait mis en œuvre, ce que rappelait quelqu'un comme Renan peu d'années avant, et qui a été en quelque sorte confisqué par l'institution qui ensuite en a pris la relève. Et pour réfléchir sur cette balade de la Jolie de Reading, nous avons avec nous aujourd'hui Céline Pouillon, qui l'a mise en scène pour la Maison de la Poésie, où elle est représentée du 1er au 17 février de cette année, en même temps que les textes sont lus d'une part par Julie Pouillon, d'autre part en anglais par Claude Dunton. Like ape or clown in monstrous garb, with crooked arrows starred, silently we went round and round the slippery asphalt yard. Silently we went round and round, and no man spoke a word. Silently we went round and round, and through each hollow mind the memory of dreadful things rushed like a dreadful wind. And horror stalked before each man, and terror crept behind. Je me disais, il y a un petit peu comme deux hommes, alors pas tellement deux hommes, parce que Wilde s'est endurci en prison, il a connu la souffrance, il a connu des épreuves, alors il a changé évidemment, mais surtout deux écrivains. J'avais le sentiment qu'il y avait un écrivain qui était plus un esthète et qui pouvait aussi être proche de courants décadents, et un poète différent qui donc était plus proche du réalisme et qui écrit la ballade, qui est tout à coup confronté à un matériau différent de ce qu'il a connu avant. He didn't wear his scarlet coat, for blood and wine are red. Il n'avait plus sa tunique écarlate, car le sang et le vin sont rouges, et sur ses mains, il y avait du sang et du vin quand on le trouva avec la morte, la pauvre femme morte qu'il aimait et qu'il avait tuée dans son lit. Il allait parmi les prévenus, en un costume d'un gris râpé. Sur sa tête, une casquette de cricket. Son pas semblait léger et gai. Mais jamais je ne vis un homme regarder si intensément le jour. Jamais je ne vis un homme regarder avec un œil aussi intense cette petite tente de bleu que les prisonniers appellent le ciel et chaque nuage qui voguait et passait avec une voilure d'argent. J'allais avec d'autres âmes en peine dans un autre préau. Et je me demandais si cet homme avait commis beaucoup ou peu quand une voix derrière moi murmura tout bas « Celui-là sera pendu ». Dans l'œuvre de Wilde, la ballade pose problème, si l'on peut dire. Il faudrait peut-être rappeler dans quelles circonstances elle est écrite. Parce que si l'on compare à ce que l'on connaissait, ce que l'on connaît généralement de Wilde, c'est-à-dire ses pièces de théâtre, l'importance d'être constant, l'éventail de Lenné Wendermeer, etc., on a l'impression qu'on est beaucoup plus dans le caustique, on est beaucoup plus dans l'humour, on est beaucoup plus dans quelque chose finalement très très léger, qui a assez peu le sens du tragique, même s'il est implicite souvent dans ses comédies. Parce que là, avec la balade, on a l'impression qu'on plonge quand même dans la souffrance brute de l'humanité. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que on se dit que forcément, Wilde, il faut que Wilde en passe par la prison pour écrire ce chef-d'œuvre, en réalité. Et donc, l'esthète écrit une œuvre vitale et profonde parce qu'il a été en prison. Pour répondre à votre question, j'ai envie de lire peut-être un petit extrait d'une lettre qu'il écrit au gardien Martin. Martin était un gardien donc, à Reading, qui était un gardien avec lequel Wilde a eu des vrais échanges, qui était un gardien un petit peu différent des autres, dit Wilde, parce qu'il était plus humain. Et donc, il s'aimait beaucoup. Et il y a un petit extrait qui me semble répondre un peu à votre question. Il écrit donc ceci dans une lettre qu'il remet au gardien Martin. « Je n'ai plus l'intention de rire, pas plus que j'essaie d'écrire quoi que ce soit pour faire rire les autres. Je ne suis plus le Sirius de la comédie. Je me suis solennellement juré de dédier ma vie à la tragédie. Si j'écris encore des livres, ce sera pour forger une bibliothèque des lamentations. Je les écrirai dans un style chargé de peine, avec des phrases composées en solitude et ponctuées de larmes. Je les écrirai exclusivement pour ceux qui ont souffert ou souffrent encore. Je les comprends et ils me comprendront. Je serai une énigme pour le monde du plaisir, mais une embouchure pour le monde de la douleur. Enfin, l'homme mort ne se promena plus avec les prévenus, et je sus qu'il se tenait debout dans l'horrible boîte noire où comparaissent les accusés, et que jamais plus dans ce monde suave du Seigneur je ne verrai sa face. Comme deux vaisseaux en péril qui passent dans la tourmente, nous nous sommes croisés en route. Mais nous n'avons fait aucun signe, nous n'avons dit le moindre mot, nous n'avions aucun mot à nous dire. Car nous ne nous sommes pas rencontrés dans la nuit sainte, mais dans le jour honteux. Un mur de prison nous entourait tous deux, deux déshérités nous étions. Le monde nous avait rejetés de son cœur et Dieu hors de sa sollicitude. Et l'embûche de fer qui attend le péché nous avait attrapés dans son piège. Ce qu'écrivait Wilde jusque-là c'était plutôt la manière dont les femmes dominaient les hommes. Je pense à la Salomé, par exemple, qui reprend la Salomé biblique, qui est assez connue. Là, c'est plutôt quand même un homme qui tue une femme, au départ, qui nous est présenté. Et tout cela alors que la bascule de Wilde s'est faite quand même sur son procès pour homosexualité. Et je me demande, quelle est cette drôle de trajectoire ? Il est condamné pour homosexualité, c'est certain. Donc, on peut peut-être revenir aux faits rapidement. Donc, en 1895, Wilde est un homme marié. Il a deux enfants. C'est un écrivain déjà célèbre en Europe comme en Amérique. Et c'est même un écrivain qui est au sommet de sa gloire. Ses pièces sont jouées, il est fêté, il est admiré. Il dit de lui-même que les dieux lui ont presque tout donné. Il est le prince du langage que l'on sait. En 1891, quelques années avant, au moment de la publication du portrait d'Dorian Gray, il fait la rencontre de Lord Alfred Douglas, qui est beaucoup plus jeune que lui, qui est issu d'une famille écossaise et d'un milieu aristocratique, et qui est donc le fils du marquis de Kingsbury, un homme à la réputation, enfin, un homme qu'on dit assez abrupt, assez brutal, qui aime la boxe, qui la pratique, et on sait qu'il est l'auteur des Kingsbury Rules, rédigés en 1866, qui sont donc les règlements mondiaux de la boxe. Et donc les faits sont les suivants. Le marquis de Kingsbury voit d'un très mauvais œil la relation que son fils a avec Wilde, et il dépose le 18 février 1895 une petite carte dans un club londonien où Wilde a ses habitudes, une petite carte sur laquelle sont inscrits ces mots, à Oscar Wilde posant aux sodomites, s'affichant aux sodomites. Alors en réalité, personne n'a lu cette carte, si ce n'est le marquis de Kingsbury, puis peut-être la personne qui l'a mise sous enveloppe. Mais Wilde aurait très bien pu s'en tenir là. Apparemment, ce serait Alfred Douglas qui aurait poussé Oscar Wilde à porter plainte contre le marquis de Kingsbury, son père, donc. Et Wilde obtient un mandat d'arrêt contre Kingsbury qui est arrêté le 2 mars. Un premier procès a lieu en avril, où Kingsbury comparaît donc. Et lui argue que ce qu'il écrit est vrai, non seulement que Wilde pratique la sodomie, puisque là on est vraiment dans ça, et qu'il a besoin de faire cette révélation dans l'intérêt public, et qu'il a besoin de faire cette déclaration pour protéger en réalité son fils. La situation va se retourner contre Wilde, puisque Kingsbury est jugé non coupable, et que donc Wilde est accusé donc d'actes indécents. Enfin, avant qu'il y ait cette condamnation, il est accusé de pratiquer la sodomie et il est donc arrêté le 5 avril. Il y a un second procès qui s'achève le 1er mai 1895, mais le jury là est divisé et en fait ne se prononce pas. Entre ce premier procès de Wilde et le second, il aurait très bien pu s'enfuir, Wilde, en réalité, puisqu'il est libéré. Et qu'il aurait très bien pu s'enfuir, il ne s'enfuit pas. Alors ça, c'est encore une autre question. Mais il est donc libéré, et il y a un troisième procès qui commence, fin mai, où Wilde est finalement inculpé d'actes indécents, et il est reconnu coupable le 25 mai, et donc condamné à 2 ans de travaux forcés. Donc, il est incarcéré à Pentonville d'abord, transféré dans une autre prison qui est Wandsworth, et il est transféré à Reading en novembre. Et sa mère va mourir juste après son entrée à la prison de Reading. Mais alors, Céline Pouillon, lorsqu'on lit la ballade de la geôle de Reading, on a l'impression qu'il y a, je dirais quand même, une évolution extrêmement profonde de Wilde et en même temps l'apparition de thèmes qui étaient déjà dans son œuvre. Je veux dire par là, lorsqu'on pense au portrait de Dorian Gray, derrière tout le cynisme apparent, tous les aphorismes complètement désabusés, etc., on sent que quand même le fond de Dorian Gray, c'est quand même l'idée de la culpabilité. La culpabilité chrétienne, enfin, finalement chrétienne, profondément chrétienne, je crois, cachée, mais qui finit par se révéler. Et là, on a l'impression que, d'une certaine manière, Wilde découvre son christianisme le plus profond. Je dirais peut-être quelque chose qui tient sur l'héritage irlandais. Oui, tout à fait. Je pense que la dimension dans la ballade, la dimension religieuse est extrêmement importante. Et c'est vrai qu'on peut dire que le motif moral central de la ballade, c'est la culpabilité. Motif évidemment religieux. Wilde se dit athée. En réalité, dans la ballade et dans d'autres œuvres, on a un retour à la religion et notamment au catholicisme. Dans la ballade, je crois qu'il y a une évocation directe et indirecte de la passion. On a le sentiment qu'on n'a pas une réécriture de la passion, évidemment, mais qu'elle est présente tout au long du texte. C'est-à-dire que le Christ est présent tout au long du texte. Et évidemment, le thème de la culpabilité est le motif central de la ballade. On a un réquisitoire extrêmement violent contre la prison et contre la société. Mais en réalité, à la société qui condamne, Wilde oppose le Dieu qui absout. Et Wilde, en réalité, montre Woolridge comme une victime expiatoire d'une culpabilité qui serait unanime. C'est-à-dire que il va défendre Woolridge, c'est-à-dire qu'il fait un plaidoyer pour Woolridge. En réalité, il le considère comme innocent. Bien sûr, pas innocent, il a tué sa femme, il est coupable, mais il le considère comme innocent. Il a besoin de faire un plaidoyer pour Woolridge, de la même manière qu'il a besoin, lui, de s'innocenter aussi aux yeux de la société, en tous les cas. Et s'il avait des comptes à rendre, ce serait à Dieu, mais certainement pas à la société, dans la mesure où, pour lui, elle est aussi coupable que les autres. Et puisque tout le monde est coupable, personne ne l'est en réalité. Avec une démarche lourde et balancée, tout autour du préau, nous exécutions la parade des fous. Que nous importait ? Nous savions être la brigade du diable et tête rase et pieds de plomb font une joyeuse mascarade. Nous déchirions brin à brin la corde goudronnée avec nos ongles usés et sanglants. Nous frottions les portes et lavions les planchers et nettoyions les barreaux luisants et par groupes, nous savonnions les boiseries en heurtant bruyamment les seaux. On cousait les sacs et on cassait les pierres et on tournait la drille poussiéreuse. On heurtait les gamelles et on braillait les hymnes et on suait sur le moulin. Mais dans le cœur de chacun, la terreur était cachée tranquille. Si tranquille elle était que chaque jour se traînait comme une vague embarrassée d'herbe. Et nous oubliâmes l'âpre destin qui attend la dupe et le coquin jusqu'à ce qu'une fois, en revenant de quelques corvées, nous passâmes auprès d'une tombe ouverte. Avec une bouche béante, le trou jaune bâillait pour une pâture vivante. La boue même réclamait du sang au préau d'asphalte altéré. Et nous sûmes qu'avant l'aube blondissante, l'un de nous se balancerait au gibet. Tout droit nous rentrâmes, l'âme attentive à la mort, à l'épouvante et au destin. Le bourreau avec son petit sac passa, traînant les pieds dans les ténèbres, et chaque prisonnier tremblait en se glissant dans sa tombe numérotée. Out of his mouth a red, red rose, out of his heart a white. For who can say by what strange way Christ brings his will to light, since the barren stuff the pilgrim bore bloomed in the great Pope's sight. But neither milk-white rose nor red may bloom in a prison air. The shard, the pebble, and the flint are what they give us there. For flowers have been known to heal a common man's despair. So never will wine-red rose or white, petal by petal, fall on the stretch of mud and sand that lies by the hideous prison wall, to tell the men who trammed the yard that God's son died for all. Dans la balade, on a peu à peu, on a la couleur rouge qui est omniprésente. Donc, et Merle dit, la balade se lit comme un spectacle de larmes et de sang. Donc la couleur rouge est omniprésente, mais peu à peu, on bascule vers le blanc, avec peut-être l'idée que la tache cramoisie, la passion et le sang, le rouge, que le rouge s'efface par la pureté et que la passion est remplacée par la grâce. C'est le sentiment qu'on a sur les couleurs un peu dans la balade. Et le Christ est présent donc de manière directe ou indirecte tout au long de la balade, parce qu'il est venu pour racheter les péchés du monde et pardonner. Alors, la société n'est pas capable de pardonner, elle condamne. Par contre, le Christ est capable de pardonner. Je ne sais si les lois ont raison ou si les lois ont tort. Tout ce que nous savons, nous, les captifs de la geôle, c'est que le mur est solide et que chaque journée est comme une année dont les jours sont longs. Mais ceci, je le sais, que toute loi que les hommes ont faite pour l'homme, depuis qu'un homme le premier prit la vie de son frère et que le monde de l'affliction commença, toute loi disperse le bon grain et garde la balle avec le pire des vents. Ceci aussi, je le sais, et combien sage si chacun pouvait le savoir de même, que chaque prison que bâtissent les hommes est bâtie avec les briques de l'infamie et fermée de barreaux, de peur que Christ ne voie comment les hommes mutilent leurs frères. Avec des barreaux, ils défigurent la lune gracieuse et ils aveuglent le bon soleil. Et ils font bien de cacher leur enfer, car il s'y passe des choses que ni fils de Dieu, ni fils de l'homme jamais ne devraient voir. Lorsqu'on voit le rapport de Wilde au thème chrétien et au thème biblique d'une manière générale. Là aussi, si je compare à Salomé d'une certaine manière, on est quand même dans un univers très symboliste, très décadent. On ne sait pas, je ne suis pas très sûr que Wilde prenne son thème absolument au sérieux. Avec la ballade de la geôle de Reading, on a l'impression que là, au contraire, il est vraiment dans quelque chose d'extrêmement profond. Et je me demande si d'une certaine manière, ce n'est pas aussi une métaphore de la condition humaine en tant que telle. C'est-à-dire que nous sommes tous emprisonnés par le péché originel, de cette manière, et le Christ est venu nous en débarrasser. Je crois que, avec la balade, Wilde a aussi... Il a quelque chose de... La balade, c'est aussi un pamphlet, c'est-à-dire qu'il y a une nécessité intérieure pour lui à écrire la balade. Il y a une nécessité intérieure qui est qu'il a des choses à dire sur la prison à cette époque. Et donc là, c'est vrai qu'on a le réquisitoire. Et que profondément, lui, par contre, il est avec un vrai... Enfin, il vit un vrai retour à la religion. Et que c'est effectivement, c'est quelque chose d'extrêmement sincère. On n'est pas dans la posture où il y a quelque chose d'extrêmement sincère. Il dit j'étais heureux en prison parce que j'y avais trouvé mon âme. Ce que j'ai écrit avant n'était rien auprès de ce que j'ai écrit guidé par mon âme. Et je crois qu'en prison, il fait aussi l'expérience de ce retour à un catholicisme très profond. Mais alors, précisément, Céline Pouillon, comment lire exactement la balade? Parce qu'on a l'impression, d'une part, il y a quand même une veine, je dirais, ultra réaliste, qui est vraiment enracinée dans la pire des réalités, dans la pire des horreurs, d'une certaine manière, et qu'en même temps, c'est quasiment une œuvre théologique. Je veux dire, par là, on voit très bien comment il y a une espèce de comparaison du gibet du pendu avec l'arbre. Il ne me semble pas très difficile de comprendre que c'est l'arbre du Christ, d'une certaine manière, et que le pendu est un peu équivalent au crucifié. Et de se dire, mais comment est-ce qu'on tient les deux registres ensemble? Wilde, quand il écrit la ballade, il se trouve confronté... Alors, je crois qu'il y a une vraie violence qu'il se fait lui-même. C'était plutôt un esthète qui se trouve confronté à une matière réaliste, extrêmement dure. On est dans le réel, il dit le réel, il le montre, les enfants affamés, la nourriture infâme, etc., l'insomnie, la solitude, la monotonie, la routine de la prison, des choses extrêmement dures sur la prison. Lui-même se fait violence, en réalité, pour être réaliste. Il y a des lettres, par exemple, il y a beaucoup de lettres dans lesquelles il parle de ça. Je ne sais plus, à un moment donné, je crois qu'il dit... J'ai pu placer le mot latrine, il fait très bien. On n'imagine absolument pas un mot pareil, lui qui est plutôt partisan du mot savant, dans un texte autre que la ballade. Tout à coup, il se retrouve aux prises avec un matériau réaliste, et il y a une vraie difficulté pour l'esthète à affronter la réalité et le réalisme. Donc Wilde dit « Le poème souffre de la difficulté que présente un style hybride. Une partie est réaliste, l'autre romantique. Une partie est poésie. » L'autre est propagande. Je m'en rends vivement compte, mais en somme, je crois que le résultat est intéressant. Qu'il soit intéressant de plus d'un point de vue est artistiquement à regretter. Donc, on a effectivement une partie réaliste où Wilde rend compte des souffrances physiques précises et réelles des prisonniers qui souffrent dans leur corps. Et puis, on a la seconde partie dont il parle, ça serait évidemment plus la propagande, alors qui commencerait à partir violemment, donc à partir de la section 5. Il y a un moment donné, je crois que Robert Ross suggère à Wilde d'arrêter son poème à la fin de la section 4. Donc, après la mort du prisonnier et même après que Wilde ait encore une fois décrit la prison alors que le prisonnier a été exécuté. Et Wilde dit « Non, je ne veux pas arrêter le poème à ce moment-là parce que c'est ici que la propagande commence. » Et là, on passe dans le violent réquisitoire de la section 5 qui est un réquisitoire évidemment extrêmement violent contre la société, contre la vie de prison. Et on sait que et la ballade et des lettres qu'il a écrites plus tard au Daily Chronicle donc, vont avoir une influence en fait, sur la réforme pénitentiaire en Angleterre. Les actions les plus viles, ainsi que des herbes empoisonnées, s'épanouissent dans l'air de la prison. C'est seulement ce qui est bon dans l'homme qui s'épuise et se flétrit là. La pâle angoisse veille à la lourde barrière et le gardien est désespoir. Car ils affament le petit enfant terrifié jusqu'à ce qu'il pleure jour et nuit, et ils flagellent le faible, ils fouettent l'idiot et raillent les vieillards gris, et certains deviennent fous, et tous deviennent pires, et nul ne peut dire un mot. Chaque étroite cellule que nous habitons est une infecte et sombre latrine, et l'haleine fétide de la mort vivante étouffe chaque lucarne grillée et tout sauf le désir, et réduit en poussière dans la machine humanité. L'eau saumâtre que nous buvons glisse avec un limon nauséabond, et le pain amer qu'il pèse avec soin est plein de craie et de chaux, et le sommeil jamais ne se couche, mais marche les yeux hagards, implorant le temps. On ne peut pas non plus passer sur tout ce que dit Wilde lui-même de son texte, donc, et sur l'idée qu'évidemment il y a une partie poétique et une partie même romantique dans le texte, puisqu'il y a aussi un grand thème romantique qui est donc la défense du faible contre le fort, la défense du paria contre la société, puisque Wilde défend Bullrich et en le défendant, il se défend lui-même. Donc il est un plaidoyer pour l'assassin et pour lui-même, et une très violente accusation contre la société qui condamne et juge. À cette société qui condamne et juge, par contre, Wilde oppose le Dieu qui absout et le Christ qui est venu pour racheter les péchés du monde et pardonner. On a l'impression qu'il y a quand même une dimension supplémentaire qui s'instaure là dans l'œuvre de Wilde, dans la mesure où, si je me rappelle bien, il y a même quasiment un appel à un moment au jugement dernier, au moment où le Christ reviendra pour juger l'ensemble des hommes, selon les termes de l'Évangile, sondera les reins de chacun, fera la vérité de chacun, comme si Wilde faisait appel à une instance, disons, de l'ordre de l'espérance, en fin de compte, en tant que vertu théologale, contre précisément la misère des hommes. Oui, tout à fait. Je crois que dans la balade, ce qui est important, c'est le point de vue. Évidemment, l'exécution du condamné qui a lieu est racontée du point de vue de Wilde, mais d'un point de vue qui est collectif, c'est-à-dire qu'il raconte l'exécution d'un point de vue d'une conscience affligée, et donc c'est une sorte de complainte des prisonniers qui regardent un homme qui, lui, étonnamment, est assez impassible alors qu'il va mourir, est assez impassible et marche d'un pas léger et gai. Ce que montre Wilde aussi, c'est que celui-ci est coupable. Évidemment, dès le début du texte, on pense à un ecce homo, c'est-à-dire qu'il est montré comme un coupable. Mais en réalité, ce que montre Wilde, c'est que ce condamné paraît libre, alors que finalement, ceux qui sont plus coupables que lui, ce seraient les prisonniers eux-mêmes, qui sont rongés par la culpabilité de voir ce que l'homme est capable de faire à l'homme, c'est-à-dire non seulement de le condamner à mort et de le punir au-delà de la mort, puisqu'il y a deux strophes très violentes où on a une sorte de paroxysme de fureur où Wilde dit que au-delà de la mort, ils l'ont dépouillé de sa tunique, ils l'ont pendu comme on pend une bête. Donc la culpabilité est universelle. La culpabilité, c'est celle des prisonniers qui sont rongés par la culpabilité, et c'est en même temps celle de la société qui est capable de... Voilà ce que l'homme est en train de faire à l'homme. Car le chêne et l'orme ont un feuillage agréable qui jaillit au moment du printemps. Mais hideux à voir est l'arbre du gibet avec sa racine mordue par les vipères. Et vert ou desséché, un homme doit mourir avant qu'il porte son fruit. La place la plus haute est ce siège de grâce vers lequel tendent tous les efforts du monde. Mais qui voudrait se trouver avec une cravate de chanvre haut sur un échafaud et à travers le collier du meurtrier jeter son dernier regard vers le ciel? Il est doux de danser au son des violons quand l'amour et la vie sont propices. Danser au son des flûtes et des luttes est délicat et rare, mais il n'est guère doux de danser en l'air d'un pied agile. Ainsi, avec des yeux curieux et d'affolantes suppositions, nous l'observions jour par jour, et nous nous demandions si chacun de nous ne finirait pas de cette même manière. Car nul ne peut dire jusqu'à quel rouge enfer son âme aveugle peut s'égarer. C'est vrai que de la part de Wilde, il y a donc un optimisme chrétien. Avec le Christ, avec Dieu, il y a la possibilité du rachat et du salut. Et Wilde, en fait, montre comment l'homme qui souffre dans une prison ne peut que croire et avoir la foi pour lui-même espérer que il va pouvoir, que ses fautes vont pouvoir être rachetées et que le Christ va pouvoir pardonner. Et donc, il apporte à l'homme du peuple, le Christ apporte à l'homme du peuple la promesse de la foi et une sorte de paix dans laquelle il peut espérer au-delà de la mort. Je crois que c'est la première fois dans son œuvre où Wilde dit « je ». Alors, le « je » au début de la ballade, il est plus un « nous » qui englobe les prisonniers, évidemment, aussi. Mais il deviendra de plus en plus, au fur et à mesure que le réquisitoire va se développer, un « je » très, très violent. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que Wilde, qui aime tellement le masque, ôte le masque, notamment à partir de la section 5, et là, effectivement, se met à nu. Par contre, ce qu'on peut peut-être dire, c'est que la ballade est d'abord récit, c'est-à-dire qu'il raconte, il est le récit d'une exécution. Et c'est autour de lui que Wilde a construit son poème, mais que ce récit-là est un point de départ pour Wilde pour dire des choses beaucoup plus profondes. D'abord pour décrire et dénoncer la vie de prison et l'inhumanité de la peine de mort. Et ensuite, pour parler du Christ et de Dieu. Il faut qu'on se dise, Wilde, en étant à Reading, est le témoin d'un drame, le témoin donc de l'exécution d'un condamné qui bouleverse la vie des prisonniers. D'autant plus qu'il n'y avait pas eu de condamnation à mort à Reading depuis très très longtemps, en fait. Et le major Nelson, qui est le second directeur que Wilde... avec lequel Wilde a des relations à Reading. En fait, quand Nelson reçoit la ballade, il dit que Wilde a extrêmement bien rendu la terreur qui s'empare des prisonniers lors d'une exécution, en fait, lorsqu'un condamné est pendu. Mais ce qui est important, c'est que ce récit, qui est donc le noyau du texte, est une sorte de prétexte pour décrire la prison, un décor, un milieu dans lequel se joue le drame et qui, en réalité, est bien plus important que le drame lui-même. Le vrai drame de la ballade, c'est... ce n'est pas tellement l'exécution. En réalité, le condamné va être pendu. Il est pendu, il meurt, c'est tout. Le vrai drame de la ballade, il se situe ailleurs. Et ce n'est donc pas l'exécution, mais c'est dans l'âme des prisonniers qu'il a lieu. Ce sont eux qui vont continuer à vivre et à souffrir. Et la ballade, c'est bien plus la complainte des prisonniers, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ce sont eux qui souffrent et qui pleurent et qui prient et qui sont rongés par la culpabilité et qui sont conscients de ce que les hommes sont capables de faire à l'homme, c'est-à-dire de le tuer et de le punir au-delà de la mort. Each man kills the thing he loves. By each, let this be heard. Some do it with a bitter look, some with a flattering word. The coward does it with a kiss, the brave man with a sword. Some kill their love when they are young, and some when they're old. Some strangle with the hands of lust, and some with the hands of gold. Le poème s'ouvre sur cet homme qui a tué la femme qu'il aimait. Ça nous est bien dit. Et ensuite, on le revoit à la fin, ça nous dit « on tue ceux que l'on aime ». Et ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinairement mystérieux. Qu'est-ce que c'est que cette manière de tuer ce à quoi l'on tient, ou qu'est-ce que c'est que cette manière d'aimer qui amène finalement au meurtre ? C'est vrai que la balade est aussi, une méditation sur la vie, l'amour, la mort. L'amour et la mort sont évidemment très très présents tout au long du texte. Dans la toute première strophe, la pauvre femme morte qu'il aimait et qu'il avait tuée dans son lit, c'est Wilde qui nous dit que l'homme aimait cette femme. Dans les faits tels qu'ils sont rapportés, on se doute que l'homme aimait cette femme, d'autant plus que apparemment c'est un crime passionnel. On se doute qu'il l'aimait. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que Wilde nous dit d'abord qu'il l'aimait avant de dire qu'il l'a tué. Or, normalement, enfin, dans le compte rendu de ce crime, il tue sa femme, et c'est ça qui est important. Wilde nous dit, et c'est là qu'on voit qu'il transpose déjà les choses complètement, Wilde nous dit d'abord qu'il aimait cette femme. Donc, il est déjà en train de faire un plaidoyer pour cet homme, c'est-à-dire qu'il insiste sur l'amour, et l'amour est extrêmement important dans tout le texte, sur l'amour, et on peut aussi se dire qu'il parle du sang et du vin, mais à aucun moment donné, quand Charles Thomas Wooldridge qui a tué sa jeune femme, il n'est question en réalité d'ivresse. Apparemment, il y a une préméditation il a tué sa femme avec une grande préméditation. Alors, je sais qu'il y a eu des circonstances atténuantes qui disent que elle l'aurait excité sa jalousie, mais jamais on nous dit qu'il était ivre quand il l'a tué. Or, Wilde, déjà, en parlant de vin, et le vin est assez présent tout au long du texte, on a le sentiment qu'il l'excuse de la même manière, Wooldridge, avec l'alcool. Chacun de nous tue ce qu'il aime. Chacun de nous tue ce qu'il aime. Alors, c'est une phrase à la fois simple et extrêmement obscure, évidemment. C'est la phrase... Elle ne fonctionne pas comme un refrain au sens classique du terme dans une ballade, mais c'est une phrase qui revient au long du texte, tout au long du texte, notamment au début, enfin tout au long du texte, au début et surtout à la fin. Lord Alfred Douglas lui demande à Wilde qu'est-ce que ça veut dire chacun de nous tue ce qu'il aime. Et Wilde lui reproche de lui poser cette question en lui disant... Ce n'est pas la peine de me demander ce que veut dire la phrase obscure du texte. Elle ne dit rien de plus que ce qu'elle dit. Et Lord Alfred Douglas est intrigué encore par cette phrase et pose à nouveau la question à Wilde, qui lui répond « Tu devrais le savoir, you should know ». Et évidemment, cette phrase, elle est chargée de sens. Elle est chargée de sens qui concerne nous tous. Elle joue sur le double sens du mot tuer, parce qu'évidemment, chacun de nous tue ceux qu'il aime. Wilde se réfère évidemment au meurtre qui a eu lieu, donc au récit de l'exécution, mais en réalité, il se réfère à bien d'autres choses, qui serait l'idée que probablement Lord Alfred Douglas voulait tuer son père et donc a poussé Wilde à faire un procès contre lui, que Wilde, en étant condamné à 2 ans de travaux forcés et tué, parce que ça, c'est la réalité, c'est un poète qui est son nom est bafoué, c'est un poète qui est ruiné, il va connaître la prison donc d'une manière terrifiante. Donc, Lord Alfred Douglas, en ayant poussé Wilde à faire un procès, l'a tué lui aussi. Donc ça, c'est vraiment tourné contre Wilde. Et puis, il y a aussi une chose importante, c'est que la mère de Wilde, au moment de son procès, lui aurait dit, si tu n'as... Donc, entre les deux procès, il aurait pu s'enfuir. Si tu t'en vas, tu ne seras plus jamais mon fils. Alors, quelque chose comme ça. Hein. Mais si tu restes, rien ne changera dans mon affection et tu seras toujours mon fils. Et en fait, la mère de Wilde et le père de Wilde avaient chacun connu un procès, tous les deux. Et on a le sentiment qu'il y a quelque chose d'étrange dans l'hérédité. Et la mère de Wilde, en demandant à Wilde d'affronter ses juges et d'aller jusqu'au bout, c'est aussi un peu comme si elle avait tué son fils. Ce qui est paradoxal et ce qui se retourne, c'est que ensuite, probablement, peut-être qu'elle ne s'attendait pas à ce que ça se passe de cette manière-là, le procès. Et en même temps, quand Wilde rentre à Reading, sa mère meurt de chagrin, évidemment, parce qu'elle n'a absolument pas supporté que son fils, qui était le prince du langage et l'écrivain que l'on sait fêter partout, atterrisse dans une prison et dans cette ruine-là. Dans la geôle de Reading, auprès de la ville, il est une tombe d'infamie. Et là gît un misérable dévoré par des dents de flamme. Dans un linceul ardent, il gît, et sa tombe n'a pas de nom. Et là, jusqu'à ce que Christ appelle les morts, qu'il repose en silence. Nul besoin de prodiguer des larmes insensées ou de pousser de haletants soupirs. L'homme avait tué ce qu'il aimait, et c'est pour cela qu'il eut à mourir. Et chacun tue la chose qu'il aime, que tous entendent ceci. Les uns le font avec un regard de haine, d'autres avec des paroles caressantes, le lâche avec un baiser, l'homme brave avec une épée. Livre. Afin de poursuivre la réflexion sur la balade de la geôle de Reading, sur un autre registre, bien évidemment, je voudrais signaler l'apparition aux éditions Viviane Ami du texte de Aubrey Beardsley, L'histoire de Vénus et de Tannhauser. Aubrey Beardsley est l'un de ces illustrateurs qui ont fait florès, si l'on peut dire, précisément à l'époque où vivait Oscar Wilde, celui qui s'inscrit dans le mouvement des décadents, et où il relie l'histoire de Vénus et de Tannhauser, bien entendu avec une sorte de clin d'œil en même temps à l'œuvre de Wagner, où il réfléchit à la fois sur la manière dont Tannhauser essaie de se délier, si l'on peut dire, des liens dans lesquels l'insère Vénus, dans la manière dont il va à Rome, puis où il revient au Vénusberg. Le Vénusberg, c'est le terme de Tannhauser. Aubrey Beardsley, lui, parle de Horselberg, et où on trouve toute une sorte de vertige, si l'on peut dire, sur l'identité sexuelle. C'est là où on voit bien qu'on est dans un monde décadent. On n'est pas très loin, par exemple, d'œuvres comme celle de Rachilde, et où, d'une certaine manière, on aboutit presque dans l'ordre du sacrilège, et de ce point de vue-là, on se trouve quasiment à l'opposé d'Oscar Wilde, dans la mesure où le dernier chapitre, par exemple, s'intitule « Sur le Stabat Mater, Spiridion et de Lapine », et où le Stabat Mater est mis dans un contexte où il est vidé de sa substance même, et d'une certaine manière, règne, évidemment c'est la figure de la Vierge Marie qu'il faut voir derrière, règne sur une scène qui serait pratiquement digne du marquis de Sade. Vénus, qui avait revêtu une toilette de chez Camille, ressemblait à K. Tannhauser, habillé en femme, ressemblait à une déesse. Cosmé, étincelant d'or, hérissé de collerettes, fardé, poudré, somptueusement perruqué, ressemblait à un marquis d'opéra comique. D'une façon évidemment radicalement différente, je voudrais m'intéresser aussi à l'œuvre qui vient d'être publiée chez Azzolem de Romano Guardini, Les prières théologiques. Romano Guardini, comme son nom ne l'indique pas évidemment, est un théologien d'origine allemande qui était né à la fin du XIXe siècle, mort dans l'année 1968 à l'âge de 83 ans et qui a toujours réfléchi durant toute son existence au rapport entre la culture et la foi, sur le pouvoir, sur le sens en même temps, sur la signification la plus profonde de la liturgie et qui, d'une certaine manière, a toujours posé que la prière et la culture étaient inséparables dans la mesure où il s'agissait de reconnaître dans la création ce qu'il appelait un ordo amoris, un ordre de l'amour, et où, d'une certaine façon, la prière était la réponse à la création de Dieu, de la même manière d'ailleurs que Dieu se répondait à lui-même. Et évidemment, on ne peut pas ne pas songer à la fameuse phrase de Claudel « Lorsque je prie, Dieu me répond à l'intérieur de ma prière ». Donc, d'une certaine façon, à travers la prière, c'est effectivement s'adresser à Dieu et en même temps recevoir la réponse de cette transcendance absolue vers laquelle on se tourne. Ô Seigneur, donnez-moi l'expérience de votre présence. Montrez-moi votre face, cette face sainte, afin que je sache à qui je parle. Je crois que vous m'aimez. Faites que je sente votre corps proche et que je trouve un refuge dans votre amour. Et puisque nous sommes dans la perspective d'une pensée chrétienne, non seulement chrétienne, mais même très clairement catholique, je voudrais attirer l'attention aussi sur la réédition aux éditions du Rocher de l'œuvre quasiment majeure, si l'on peut dire, tout au moins du point de vue de l'imagination, évidemment, de l'œuvre de Raymond Lull, Blackern. Raymond Lull, c'est ce théologien mystique qui était né dans le royaume de Catalogne, qui a vécu à la fin du XIIIe siècle et qui est mort dans un martyr chez les Arabes, chez les musulmans, ce qu'il avait essayé de convertir d'une façon pacifique, ce qui est assez rare à l'époque pour qu'on veuille le signaler. En réalité, toute l'œuvre de Raymond Lull est extrêmement diverse, puisqu'il écrit de la théologie, il écrit des traités mystiques, il écrit de la philosophie, il s'intéresse aux sciences, il s'intéresse à la littérature. On lui a prêté, puisque évidemment on ne prête qu'aux riches, on lui a prêté des activités de ce que j'appellerais un pseudo-alchimiste, et d'une certaine manière, on sait que, faisant partie de l'ordre franciscain, même si c'est dans un ordre mineur, c'était quelqu'un, comme beaucoup de franciscains d'ailleurs, qui avait eu une vie d'abord extrêmement dissolue, puis qui s'était tourné vers le Seigneur dans une sorte de conversion intérieure, de retournement intérieur, et qui, d'une certaine façon, avait essayé de trouver dans le ciel la puissance, la lumière de l'éros, qu'il n'avait peut-être pas trouvé sur cette terre. Et on sait aussi que le surnom qui lui a été donné était le docteur illuminé, celui qui avait reçu la lumière divine, par rapport évidemment au grand théologien de son temps, c'est-à-dire John Duns Scott, le docteur subtil, et saint Thomas d'Aquin, celui qu'on appelait le docteur angélique. Et à travers ce Blackern, dont il raconte toute la vie, qui va devenir abbé, et en tant qu'abbé, il va écrire ce que l'on connaît bien sous le nom de livre de l'Ave Maria, puis qui va devenir évêque, puis qui va devenir pape, puis qui va renoncer à la papauté pour devenir ermite, et où il écrira un livre tout aussi connu, le livre de l'ami et de l'aimé, on voit très bien comment Raymond Lull essaie d'entrer jusqu'au cœur même de ce qu'est une vocation chrétienne et essaie de nous montrer, d'une certaine façon, comment, au-delà du monde, au-delà de ses illusions, dans la dépossession de tout soi-même, on peut s'ouvrir à ce vide qui, d'une certaine façon, est le vide de Dieu. Dis, amant, à quoi appliques-tu le plus ton entendement ? À comprendre la vérité ou l'erreur ? Il répondit, à comprendre la vérité. Pourquoi ? Parce que je comprends l'erreur pour mieux comprendre la vérité. Enfin, dans un horizon évidemment radicalement différent, je voudrais signaler aussi l'œuvre collective dirigée par Laure de Chantal et Pierre Brunel, Le Panthéon en poche, aux éditions Les Belles Lettres. Puisqu'il s'agit de nous rappeler toute la mythologie grecque qui, avec l'héritage de Jérusalem, est l'un des fondements de notre culture, mais en même temps que la mythologie grecque, la mythologie latine, et en nous y faisant pénétrer, non pas par un exposé magistral, si l'on peut dire, mais beaucoup plus par des extraits de grands auteurs, que ce soit Homère, que ce soit Hésiode, que ce soit les tragiques, évidemment, du côté grec, ou que ce soit un auteur de comédie comme Plaute, que ce soit un poète comme Virgile, ou quelqu'un comme Horace, de l'autre côté. Et évidemment, sans oublier Ovide. Ce qui fait que là, nous avons comme une sorte de connaissance intime de ce que représentent ces dieux et de la manière dont ils peuplaient le monde d'une manière complètement différente dont nous avons imaginé ensuite la présence divine, puisque d'une certaine façon, en sortant le matin chez soi, en allant se promener dans la campagne, on n'était jamais sûr de ne pas rencontrer un dieu ou une déesse ou un pouvoir divin, une nymphe, une dryade ou une amadryade au coin du chemin. Ah, misère ! Voilà, quand j'étais chez les Noirs, que les dieux pour Ulysse ont changé leur décret. Mais je dis qu'il me reste à lui jeter encore sa charge de malheur. Les livres aujourd'hui, L'histoire de Vénus et de Tannhäuser de Aubrey Beardsley aux éditions Viviane Ami, Les prières théologiques de Romano Guardini aux éditions Ad Solem, une réédition de Blackern de Raymond Lulle aux éditions du Rocher, et Le Panthéon en poche, un collectif dirigé par Laure de Chantal et Pierre Brunel aux éditions Les Belles Lettres. C'était Les Vivants et les Dieux, une émission proposée par Michel Cazenave, avec aujourd'hui la participation de Céline Pouillon. Texte lu par Julie Pouillon et texte en anglais lu par Claude Duneton. Musique de Siegfried Canto. Le spectacle La Geôle de Wedding est donné à la Maison de la Poésie à Paris du 1er au 17 février 2008. Recherche sonore Dominique Catroux. Mixage Philippe Mercher. Réalisation Isabelle Huel. Et nous retrouvons dans quelques instants Hélène Azéra.